pas si mal. Mon cœur a toujours saigné. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Quand je pense aujourd'hui, en Afrique, on se détruit. Tandis que les puissances rient, elles aiment nous voir désunis. Et ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Écartons les fauteurs de troubles et ces barrières qui nous entourent. Faisons taire un peu les canons. S'entretuer n'est pas la solution. Et ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Les foyers de tension se multiplient. Les orphelins se multiplient. Les armes se multiplient. Les guerres s'amplifient. Les morts se multiplient. Nos pleurs s'amplifient. Nos dettes se multiplient. La misère s'amplifie. Les réfugiés se multiplient. Désespoir amplifié. Ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Ça me fait mal, mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mal. Oui, ça me fait mal. Les foyers de tension se multiplient. Les orphelins se multiplient. Les armes se multiplient, les guerres s'amplifient, les morts se multiplient, nos pleurs s'amplifient.